Lettre 60e, Marcius Alpinus à Lucius Scribonianus, Nicée, décembre 302. Tu désires avoir de mes nouvelles? De par tous les dieux, que veux-tu que je te dise de la misérable ville où je végète comme une plante sans m'apercevoir que j'existe? Nicée est remplie de chrétiens, c'est-à-dire que la tristesse et l'ennui y ont établi leur domicile. J'y suis depuis 2 mois. Et je puis croire que j'y ai passé 2 années. Je ne pense pas y rester longtemps. Il se prépare en secret des choses importantes. Bien des gens en sont profondément occupés, et dans le nombre j'ai des amis sûrs qui travailleront pour moi. Et je ne désespère pas, Scribonianus, de passer de l'exil au plus haut rang. Mais il ne me suffit pas. Que ce que mes amis feront pour moi tourne à mon avantage, il faut encore ce que mes ennemis projettent contre moi serve à les perdre. On m'a éloigné de la cour, on suppose que je suis hors d'état de rien entreprendre. Je les laisse dans cette idée, qui leur plaît et les rassure. Et je joue ici le rôle d'un favori disgracié avec noblesse, humilité et philosophie. Galerius ne peut se passer de moi, voilà ce que je sais. Et pour me dédommager de cet instant de caprice et m'attacher à lui, il n'est rien que je ne doive espérer de sa part. Dioclétien est une étoile de première grandeur, qui s'affaiblit graduellement et va bientôt disparaître. Constantin me hait et sera forcé de se servir une fois de moi et de mon crédit. Les chrétiens travaillent en secret pour lui et ouvertement contre Galerius. Auguste chancelle et n'a plus de volonté ferme et décidée. Mauvais symptôme chez un homme qui ne connaissait pas l'incertitude. Un parti doit triompher. Il ne s'agit que d'avoir les mains libres et d'agir quand le moment arrivera. Scribonianus, je veux être couvert de honte, si je ne parviens pas au premier rang après Galerius. Tu m'entends? Je pense, et je te promets alors de ne pas t'oublier. Prie seulement les dieux de m'être favorable. Tu veux que je te dise mon opinion sur les mesures prises par Galerius contre les chrétiens? À mes yeux, elles sont non seulement inutiles, mais diamétralement opposées à leur but. S'il était possible d'extirper la religion chrétienne, ce dont je doute de plus en plus, non par vénération pour elle, tu ne me crois pas capable de cette folie, mais par sa nature. Il ne faudrait employer ni la rigueur ni la puissance. Les punitions, les persécutions, les dangers exaltent encore 1000 fois plus les sectaires. Ils en deviennent plus opiniâtres, plus invincibles. Et du sang de chaque martyr s'élèvent des milliers de chrétiens, déterminés à mériter la même récompense qui les attend, disent-ils, dans les cieux. Il faudrait ou les détruire tous en masse, ce qui serait à présent très difficile, parce qu'ils ne sont pas tous connus et qu'ils sont très nombreux, ou bien les attaquer en fomentant en eux-mêmes des germes de destruction, soit en leur opposant d'autres sectes du même genre, soit en excitant leur ambition, ou bien en essayant de corrompre leurs mœurs. On empoisonnerait ainsi le corps entier et on avancerait sa perte. Mais un homme tel que Galerius n'aurait jamais recours à un moyen aussi lent. Constantin jouera un rôle encore plus important. La nature l'a destiné à cela. Il ne peut pas rester en sous-ordre. Et la preuve la plus certaine de son esprit, c'est qu'il s'est rapproché des chrétiens. C'était la véritable marche d'un homme aussi prévoyant que lui. Il s'entoure déjà d'hommes et de moyens pour en tirer parti dans le temps. Les fanatiques peuvent aussi lui être utiles. Il y en a un auprès de lui qui lui sera sûrement dévoué. C'est Agathoclès qui fut dernièrement nommé tribun, par l'enthousiasme ridicule de ses camarades. Je le déteste, par plus d'une raison, et je me propose de lui jouer incessamment un tour perfide. C'est une histoire singulière, que je n'aurais pas trouvé digne de m'occuper à Nicomédie, mais qui me sert ici à diminuer l'ennui qui me dévore. Il y avait à peu près 8 jours que j'étais à Nicée, lorsqu'un matin je rencontrai, tout près d'un temple, une femme dont la tournure élégante et le grand deuil attirèrent mes regards. Elle approche. Je la regarde avec attention et juge de mon étonnement lorsque, malgré le voile qui la couvrait, je reconnus Larissa, la veuve de Démétrius, que l'on croyait morte, aussi en même temps que lui de la main des barbares. Lorsque je me rendis à Nisibis pour prendre le commandement de l'armée, ils en étaient partis, mais je la connaissais déjà, l'ayant rencontrée plusieurs fois dans mes voyages. Le genre de sa figure me plaisait extrêmement. J'ai souvent désiré de la voir de plus près. Mais elle vivait si retirée et le vieux Démétrius gardait si bien son trésor qu'il fallut y renoncer. Je l'ai crue morte, comme tout le monde, et je n'y ai plus pensé. J'ignore comment elle s'est échappée des mains des Goths et pourquoi elle se trouve à Nicée sous un nom supposé, ce qui, au reste, m'est très indifférent. Il me suffit de savoir qu'elle y est. Elle habite la maison de Lysias, l'un des principaux citoyens de la ville, sous le nom de Théophanie, se disant veuve d'un marchand de Byzance. Le mystère dont elle s'entoure me frappa, car je sais qu'elle est la tendre amie de cet Agathoclès, qui, étant le légat de son époux, eut l'occasion de la voir. Son austère vertu ne l'empêcha point d'être amoureux de la femme de son général et de s'en faire aimer. Il fut, et il est toujours, au désespoir de sa perte, et sacrifierait tout au monde pour savoir qu'elle existe et qu'elle l'aime encore. Mais pourquoi se dérobe-t-elle à lui? Je voulus connaître à fond la vérité, et j'ai trouvé le moyen de m'introduire dans la maison de Lysias. C'est là que je la vois, et que je lui parle tous les jours. J'ai faim de ne point la connaître, et de la prendre pour ce qu'elle dit être. Je lui témoigne un profond respect, je ménage ses préjugés, et à force de peine, j'ai appris qu'elle croit Agathoclès infidèle, et qu'elle veut, d'après cela, se cacher à tout le monde, et continuer d'être morte pour lui. Elle ne m'a pas, il est vrai, raconté ce que je viens de te dire, mais les questions qu'elle m'a adressées m'ont instruit de tout ce que je voulais savoir. C'est la belle Calpurnie, la fille du proconsul Pison, dont elle croit qu'Agathoclès est amoureux, et je n'ai pas manqué de la confirmer dans cette idée. Elle est crédule ainsi que le sont toutes les dévotes, mais elle me plaît excessivement, et j'ai grande envie de profiter de l'erreur où elle est pour l'enlever aux vertueuses Agathoclès. Elle n'est point belle, mais par Jupiter, ce n'est pas une femme ordinaire, et telle qu'elle est, je la préférais mille fois pour mon compte à la séduisante Calpurnie tant vantée. Elle a dans toute sa figure quelque chose de si touchant, tant de noblesse et tant de modestie, quelque chose à la fois de si pur et de si voluptueux, qu'il est impossible de ne pas l'aimer ou la désirer avec passion. Une légère cicatrice sur une joue la change un peu, et m'aurait mis dans le doute si elle était bien Larissa, mais il n'existe pas dans le monde une autre paire d'yeux tels que les siens. Ils sont noirs, et de la plus grande douceur, leur forme est parfaite, et le double rang de longs cils noirs qui les ombrage et les voile à demi leur donne un attrait irrésistible. Ces autres traits n'ont rien de remarquable, à l'exception de ses bras, qui sont, ainsi que la main, d'une beauté extrême. Avec tout cela, elle est chrétienne et dévote. Il serait très curieux et très intéressant d'observer comment elle se tirerait d'affaire entre le culte sévère de son dieu et celui de la déesse de Cythère. Entre ses vertus et une passion pour ton très peu vertueux ami. Ajoute à cela le plaisir de l'emporter sur Agathoclès et de le mettre au désespoir quand il saura tout à la fois que son ami est ressuscité et qu'elle est infidèle. Ce plaisir vaut bien la peine que je vais prendre pour réussir. Les dévotes sont faciles à persuader. Celle-ci aura de plus le besoin de se venger, qu'on dit être irrésistible chez une femme délaissée par celui qu'elle aime. Ainsi, ma victoire n'est pas douteuse.